de fées en français. Le fils du vendeur de savon. Il était une fois un jeune homme qui s'appelait Ahmed et qui vivait dans la belle ville de Meshed. La belle mosquée de Meshed, avec son dôme doré, était la gloire du royaume de Perse. Le commerce de la ville connaissait son apogée. Les gens étaient heureux, mais pas Ahmed, car le commerce de savon de son père était difficile et s'essoufflait de plus en plus. « Oh, mes frères, achetez mon savon pur. Il n'y en a aucun de meilleur en ville, comme chacun sait. » Mais les gens de Perse n'utilisaient que très peu de savon sur eux, ni pour leurs vêtements, car on utilisait le sable pour tout et tout le temps, même pour récupérer les casseroles et les poêles. À cause de cela, très souvent, Ahmed et son père ne vendaient pas assez de savon pour pouvoir s'acheter suffisamment de pain pour manger. Les jours passaient, et Ahmed réalisa qu'il était temps pour son père d'arrêter son commerce de savon, et pourquoi pas d'essayer autre chose. Papa, nos savons ne se vendent plus, et donc j'ai décidé d'aller sur le marché et de chercher de nouvelles opportunités. Au marché, Ahmed travaillait dur pour les commerçants, les colporteurs et les marchands, et en retour, on lui donnait une poignée de riz, du pain ou quelques fruits secs qu'il ramenait à la maison et mangeait avec son père. Puis un jour, tandis qu'Ahmed traversait la jungle comme d'habitude pour arriver au marché, le soleil était brûlant. Alors, il pensa à faire une pause au bord du lac pour boire un peu d'eau. Là, des femmes étaient en train de remplir leurs gourdes d'eau, tandis que d'autres lavaient des vêtements. Au même moment, Ahmed vit une procession conduite par un des ministres royaux. La procession s'arrêta juste en face d'Ahmed, et c'est alors qu'il aperçut une magnifique jeune femme. C'était la princesse Roxana. J'ai très soif. Puis-je avoir de l'eau à boire? Une dame avança jusqu'à elle avec de l'eau, et alors qu'elle s'apprêtait à la donner à la princesse, un lion déboula soudain des buissons en rugissant de façon féroce. Tout le monde se mit à courir. Alors le lion se tourna vers la princesse. Il se jeta sur elle et la retint coincée au sol. À l'aide! Voyant la princesse en danger, Ahmed ramassa immédiatement une torche en feu qui était tout près et la jeta en direction du lion. Ahmed lança la torche de toutes ses forces et le lion s'enfuit sur le champ. Ahmed sourit et se tourna vers la princesse Roxana qui tremblait de peur. Il lui donna tout de suite un peu d'eau à boire. « Merci, oh brave homme, tu m'as sauvé la vie !» Princesse Roxana, nous devons partir tout de suite. Princesse Roxana acquiesça, et tout en souriant à Ahmed, elle rentra dans son palanquin. Ah, elle est tellement belle. Le lendemain, quand Ahmed était au marché, un vieux colporteur vint le voir. Mon garçon, tu travailles très dur. Est-ce qu'au moins tu gagnes assez pour toi-même? Ah... Non, monsieur, c'est vrai. Mais au moins, mon père et moi, nous pouvons un peu manger. Pourquoi ne vas-tu donc pas à la capitale? Le commerce y est bien meilleur et quelqu'un comme toi pourrait bien gagner sa vie. Ahmed y réfléchit un moment, puis il dit... Eh bien oui, c'est ce que je vais faire. Demain, mon père et moi, nous partirons pour la capitale. Le colporteur lui souhaita bonne chance et s'en alla. Ainsi, le lendemain, Ahmed et son père se mirent en route. Ils voyagèrent la nuit et se reposèrent le jour pour éviter la grosse chaleur du soleil. Ils avancèrent en suivant des chemins tortueux dans les montagnes et parfois, en traversant le désert, les pieds usés par la marche. Un jour, quand le père d'Ahmed dormait sous un arbre, Ahmed entendit le son de quelqu'un qui grognait. Intrigué, il quitta son père endormi et marcha en direction du son. Très vite, il tomba alors sur un pauvre derviche étendu sur le sable. Il avait un foulard jeté sur ses épaules. À côté de lui reposait un gros bâton monté d'une tête d'aigle en marbre. pour l'amour des anges, donne-moi un peu à boire. » Ahmed lui tendit immédiatement son pichet, même si l'eau était quelque peu salée. Le derviche engloutit toute l'eau en moins d'un instant. Merci mille fois, jeune homme. Je suis le vieil homme du désert et je te suis reconnaissant pour ton aide. Tiens, prends donc ce minuscule verre en cristal. Tous les matins, quand tu te lèveras, mets une goutte d'eau pure dans ce verre et regarde attentivement dedans. Si un danger devait venir te menacer, toi ou ceux dont tu es proche, ou ceux qui te sont chers, le verre te le prédira. À cet instant, une brise glaciale souffla, transformant le corps du vieil homme du désert en centaines de pétales de roses qui s'envolèrent avec le vent. Ahmed fut envoûté. Waouh ! Il retourna auprès de son père pour tout lui raconter. Dès le lendemain matin, Ahmed fit comme le lui avait conseillé le derviche, mais il ne vit rien pendant des jours. Du temps passa encore, et Ahmed et son père se retrouvèrent maintenant à seulement 3 jours de voyage de la capitale. Quand soudain, un lion les attaqua. C'était le même lion avec une cicatrice sur le visage. Il se jeta sur Ahmed. Au secours! Au secours! Que quelqu'un vienne aider mon fils! Soudain, une belle jeune femme apparut, portant une torche de feu. C'était la princesse Roxana. Elle balança sa torche près du lion et celui-ci s'enfuit immédiatement. Princesse, toi ici? Ah, voilà, maintenant on est quitte. Merci, mais... Que fait donc une princesse par ici? Princesse Roxana pointa du doigt vers la caravane. Mon père, le roi, et moi, nous rentrions d'un pèlerinage lorsque j'ai cru entendre quelqu'un crier. Vers où voyagez-vous? Eh bien, vers la capitale. Eh bien, nous aussi, nous allons à la capitale. Vous pouvez faire le chemin avec nous? Oh, merci beaucoup. Et ainsi, Ahmed et son père rejoignirent la caravane et arrivèrent bientôt à la capitale. En voyant la condition du père d'Ahmed, la princesse lui conseilla de rester dans les appartements des invités royaux pendant une semaine avant de partir chercher du travail à la ville. Le roi aussi insista. Oui, restez dans les appartements royaux jusqu'à ce que vous trouviez du travail. Ahmed accepta avec joie, car ça lui laisserait aussi le temps de trouver un bon travail. Mais suite à l'épisode du lion et de son sauvetage in extremis, il prit la peine de mettre une goutte d'eau dans le verre en cristal tous les matins. Rien n'apparut jusqu'au 7e jour, où il vit dans l'eau une vision du roi endormi et au-dessus de lui, le visage de quelqu'un qui tenait un poignard, prêt à frapper. Il se précipita alors pour aller voir le roi. Mon roi, un grand danger plane sur vous. Quelqu'un essaye de vous tuer. Soyez prudent. Ahmed, mes gardes sont bien entraînés et très fiables. Ne t'inquiète pas. Alors, tant mieux, votre majesté. En disant cela, Ahmed quitta la pièce, mais continua de réfléchir à qui pourrait bien vouloir tuer le roi. À quelque distance de la capitale, le lion se transforma en un homme à l'air diabolique. C'était le vieil homme des montagnes, et contrairement au vieil homme du désert, il était vraiment mauvais. Il voulait tuer le roi et la princesse et prendre la capitale. Il voulait aussi tuer Ahmed, car il l'avait vu sauver la princesse Roxana. Ce soir, le roi, ce sera ta dernière nuit. Pendant ce temps, Ahmed était déterminé à garder l'œil sur lui. La nuit tomba et le silence s'installa. Les gardes s'endormirent, mais pas Ahmed. Il attendit, quand soudain, il perçut une ombre obscure qui avançait vers la zone du palais où dormait le roi. Le visage traça son chemin sans bruit jusqu'à la chambre où dormait le roi, quand soudain, Ahmed se rua sur lui tout en hurlant de tout son coffre. Attaque! Attaque! On attaque le roi! Avec tout ce bruit, le roi se réveilla. ainsi que les gardes et les soldats. Ils accoururent immédiatement avec la princesse Roxana. Mais à cet instant, le vieil homme de la montagne se changea en lion. Qui m'a assez embêté comme ça, mon garçon? Je m'occuperai du roi plus tard. Je vais d'abord m'occuper de ton cas. Le lion se jeta sur Ahmed, quand soudain, le verre en cristal tomba de sa poche. Et de là, en sortit un énorme aigle du désert. Oh, oh non! Le vieil homme du désert! Non! D'un coup, le corps du lion se répandit en poussière et s'envola par les fenêtres. Le roi, la princesse et les gardes regardèrent la scène, très impressionnés. L'aigle du désert se tourna vers Ahmed et lui sourit avant de disparaître dans les airs. Plein d'enthousiasme devant la situation, le roi dit à Ahmed « Tu es un homme courageux, Ahmed. J'annonce qu'à compter de ce jour, tu deviens le premier ministre de mon royaume. » Ahmed fut fou de joie et s'inclina devant le roi. Merci, votre majesté. Et ainsi, Ahmed devint le premier ministre du royaume. La nourriture ne fut plus jamais un problème pour eux. Et Ahmed et son père vécurent très heureux. Princesse Roxana en fut ravie aussi, car elle aimait secrètement Ahmed. Et l'idée qu'il ne quitte plus jamais le palais la rendit encore plus heureuse. Tous les deux se mirent à passer de plus en plus de temps ensemble. Et rapidement, ils tombèrent amoureux l'un de l'autre. Quand Princesse Roxana parla de ses sentiments à son père, celui-ci fut fou de joie. Eh bien, j'apprécie beaucoup Ahmed. Et je serai très heureux de l'accueillir dans notre famille. Si, bien sûr, lui aussi veut épouser. Ahmed fut appelé auprès du roi. Ahmed, ma fille dit qu'elle est très amoureuse de toi et qu'elle voudrait passer le reste de sa vie à tes côtés. Et toi, qu'en penses-tu? Votre Majesté, moi aussi, je suis amoureux d'elle. Très bien. Alors, je vais aller parler avec ton père pour organiser le mariage. Ah, ah, ah, ah, ah, que la fête commence! Une grande cérémonie eut lieu. Ahmed et Princesse Roxana se marièrent. Le roi en fut heureux, tout comme le père d'Ahmed. Le voyage d'Ahmed nous a enseigné que, qui que tu sois et quoi que tu fasses, la gentillesse est un cadeau que tout le monde a les moyens d'offrir.